J'ai vu la lune sur les flots de Neptune. J'y ai planté au cœur un morceau de bonheur. J'ai traversé bien des mondes secrets, mais aucun d'entre eux n'avait cette odeur. Celle de la vie tout court, celle de tous les jours. Pourquoi s'entêter à cacher notre amour? Laissons-nous un peu aller, ouvrons nos jardins secrets pour y planter. J'ai plongé au cœur d'une extase en couleur.